vos économies. Elles vous feront des petits, quelle belle affaire. J'ai donné mes francs et mes états. Depuis, il s'est enfui au Texas. Les États-Unis, si c'est vraiment mieux. Life and love are really what this record is all about. What you are hearing is an offering to any and all future beings. We are sealing some of the thoughts and feelings, the vibrations of our day in what you may call a time capsule. Which itself has been sealed with cosmic love. Thank you. c'est déprimant. Regardez la télé, ça va plutôt mal dans le monde, on le sait. Quand c'est pas la guerre, c'est la misère. N'a-t-on pas mieux à faire que d'exposer les problèmes de l'univers à des gens qui ont assez d'ennuis comme ça? Dans la masse, déjets dirigés. Je liquide mes lipides et je pisse, pisse, pisse comme 10. Picolant, moult verre, ruisselant d'eau sévère. Quand je sors, tout humide, à l'air libre. Merde, il pleut, triste sort, foin du lard. Cher Guérard, cordon bleu, vite à table. Qu'est-ce qu'on croque dans l'auberge? Délectable, une asperge, dans l'œuf coque se concocte. Pour la fin de la fin, une compote se complote. Je me guette, taille de guêpe, mince buste, je déguste mes kilos de sous l'eau que j'enterre solitaire à prix d'or. Dessous l'eau de ce port, seule l'encre reste à l'encre pour la pêche des beaux vers, panne sèche, le désert. Eugénie, pas de génie, j'en gémis, et les heures de l'église coûtent pleure. Vite, valise. Ma cuisine, la bonne mine, petite usine qui s'anime de frangins, de frangines, ça gratine. Épluchons les oignons, surveillons la cuisson du gigot de mouton aux soissons, spaghetti al dente. Allez go, attaquons, on s'éclate les tomates écarlates, les radis. Saucisson, le mordon, tire-bouchon, oh, tire-bouchon, patch. J'ai la montre arrêtée, j'ai même pas l'heure qu'il est. Le téléphone a sonné, je me suis pas réveillé. Direction salle de bain, je me fais couler un bain. Je regarde dans le miroir, pas beau à voir. En retard sur l'horaire, plus besoin de se presser. Radio libre allumée, stop, pas de publicité. Une chanson bien cotée, c'est le tube de l'été. Me fait flipper de la tête aux pieds. Je commence à ranger, car ce soir terminé. Je serai sur la route avec bison futé. Je suis pas seul à rêver du ciel des palmiers. Et des jours sans problème, c'est la vie que j'aime. Vacances, je vais tout.

ville en béton, tout de gris ton sur ton. C'est ce qu'il me fallait pour rigoler tout le temps. Et la lumière de soleil, son âme, pour les merveilles. Au-delà de l'aventure, bord de la bonne. Gentil.